L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Nous entrons dans une période où les marchés de Noël se multiplient. Coup de projecteur sur l'un d'entre eux, celui de l'Aremig qui débute le 25 novembre. L'Aremig, association pour la recherche et les études dans les maladies infantiles graves. Guy Delettre, bonjour. Bonjour Yves. Alors un nouveau marché de Noël de l'Aremig cette année? Oui, depuis que la maison des parents existe près de l'hôpital des enfants de Brabois, l'association Aremig organise son marché de Noël qui est alimenté, on va dire, par les bénévoles de l'association en concours avec les parents d'enfants malades qui résident à notre maison des parents. Et puis, on a énormément de soutien extérieur. Vous voyez, en ce moment, au moment où je vous parle, il y a le centre Jolibois. Ils sont 5-6 mamies à être venues nous faire des travaux d'aiguille, etc. On a énormément de choses. On a le face d'essai qui nous a aidé énormément aussi. Il y a une conjonction d'amis, de soutien pour cette belle manifestation qui dure 15 jours. Plein de belles énergies, en tout cas, qui se rassemblent pour rendre possible ce marché de Noël de l'Aremig. Un marché de Noël, donc, au profit de l'Aremig. Redonnez-nous un peu l'importance que peut revêtir ce rendez-vous pour vous. Cette manifestation, elle est festive, elle est joyeuse, elle est dans l'esprit de Noël. Et puis, elle a pour vocation, donc, de générer de la trésorerie, parce qu'on a besoin d'argent pour financer, donc, les trois missions qui sont celles de l'Aremig, hein. C'est d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants, mais aussi participer à leur retour à la maison après la maladie. Hein. On accompagne leurs parents et on les héberge, ceux qui en ont besoin, à la maison des parents de l'Aremig. On est à 300 mètres des lieux de soins du service de cancérologie pédiatrique. Et puis, le troisième axe statutaire de notre association, c'est le soutien financier à la recherche médicale en cancérologie pédiatrique, aussi bien sur le plateau de Brabois, hein, donc une recherche locale, qu'une recherche nationale dans les grands protocoles nationaux qui sont mis en place par l'hôpital Robert Debré ou autres. Trois missions essentielles. 15 jours dure ce marché de Noël de l'Aremig, aux 8 rues du Morvan, à côté donc de l'hôpital d'enfants de Brabois. C'est de 10h à 18h. Comment va se découper la journée? Il y aura des animations, il y aura des différents rendez-vous. Mon cher Yves, les animations sont surtout centrées sur les week-ends. Hein. Oui. On a ce qu'on appelle nous les mamans de Moselle. Ce sont des mamans dont une a malheureusement perdu son enfant, qui, avec ses copines, collègues de travail, etc., viennent animer les samedi midi, dimanche midi, donc des trois week-ends, avec des soupes maison, des crêpes, du vin chaud, des boissons, disons de quoi se restaurer sur place pendant le marché de Noël. C'est très sympa, donc on a ça sur les trois week-ends. Et puis on a en plus donc une pépite que n'ont pas beaucoup d'organisations, c'est qu'on a un chocolatier de Fléville qui s'appelle Monsieur Cunin, qui est sympathique comme tout, qui apporte ici son matériel pour faire un atelier chocolat pour les enfants, disons, qui sont d'âge école primaire, quoi, hein, faut pas des ados, faut pas des tout petits non plus, hein. Donc Monsieur Cunin leur montre à décorer du chocolat, à couler, à mouler du chocolat, et les enfants repartent une fois que le chocolat est refroidi avec leur petit pochon à la maison de ce qu'ils ont produit eux-mêmes. C'est très très sympa. Et ce sera le dimanche 3 décembre. Le dimanche 3. Au milieu du marché de Noël, le dimanche 3, on va dire en gros de 11h30, hein, à peu près l'heure du repas, et jusqu'à 17h. Quoi. Le chocolat qui est aussi le centre d'une tombola qui est organisée sur la période du marché de Noël. Voilà, alors je reviens sur la chocolaterie du château de Fléville, hein, qui est un soutien important. Monsieur Cunin a la gentillesse de nous offrir deux belles pièces de chocolat qui font entre 2 et 3 kilos chaque fois. Vous voyez, il y a un grand Saint-Nicolas et un grand Père Noël de plus de 2 kilos de chocolat que nous mettons en tombola la première semaine pour le Saint-Nicolas, la deuxième semaine pour le Père Noël. Ces ateliers et ces animations essentiellement concentrées sur le week-end, mais c'est du lundi au vendredi aussi que les blues roses seront présentes, notamment les après-midi, pour venir donner un peu de chaleur. J'allais vous venir, je voulais donner un coup de chapeau à nos amis les blues roses, hein, avec qui on a un partenariat historique. Les blues roses ont la gentillesse de venir deux par deux, tous les après-midi, tenir la permanence du marché de Noël pendant que nos dames d'accueil sont en pause pendant 4 heures l'après-midi, à 12h30 à 16h30. Donc ce créneau vide est comblé par la présence de 2-3 blues roses tous les après-midi. Voilà, alors je vous laisse redonner toutes les infos pratiques et le dernier mot, bien sûr, pour annoncer ce marché de Noël de l'Aremig. Le marché s'ouvrira samedi 25 novembre à partir de midi, et il fermera ses portes le dimanche 10 septembre à 17h. Pour le localiser, vous suivez Maison des Parents de l'Aremig, c'est près du parking numéro 3 de l'hôpital des enfants de Brabois. On serait heureux d'accueillir un maximum de personnes, parce que nos bénévoles et puis les parents d'enfants malades ont mis à cœur de réaliser de belles choses. Et c'est un moment, je ne dirais pas féerique, le terme est peut-être un peu fort, mais c'est vraiment un joli, joli marché de Noël. Merci, monsieur Delettre. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.